ok. Pamplona. Pamplona, Pamplona, ça me dit quello. Arrête, arrête. Pamplona, Pamplona, ça me dit quello. Arrête, arrête. Amore, money, amore, you here. Liberiez bien, here. Liberiez bien. Oui, let's do it, c'est plus normal, oh, oh. N'achète pas la haine, oh, oh. N'achète pas la haine. Never we did like, never we did like, never we did like, here. Je suis tu m'aimes. J'irai où ton souffle nous mène. Dans les pays d'ivoire et d'ébène. J'effacerai tes larmes, tes peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh. Aïcha, Aïcha, ton papa. Oh. Aïcha, Aïcha, regarde. Suprême en direct sur Skyrock. تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب الشا عايشة عايشة اكتبت موا عايشة عايشة دون بابا عايشة عايشة عايشة Skyrock, Rail Suprême. Danser toute la nuit près de moi, mon cœur te réclame. En chair et en âme, Dieu créa la femme. Dans ma destinée, enfin tu apparais. Tu es ma señorita.

Miller, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. clé. Skyrock, rail suprême. Merci d'attendre que l'on rentre. Pourtant j'ai pas ton temps, c'est pas méchant. T'es dans la file d'attente, tout le monde rentre. Chérie, pourquoi tu trembles, on n'est pas méchant. Les gosses sont clairs, le DJ est clair, la réseau est clair, tout est clair. Les gars sont clairs, le DJ est clair, la réseau est clair, tout est clair. C'est 2015, ok, je peux. commence à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté. Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage, toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'une boycott, je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, si je suis sur la piste, le platine, c'est DJ Kaïs. Sur Facebook et sur Snapchat, je suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichons. Avec Aïcha Andisha. Jukni dekh pai vich roye, jukni dekh pai vich roye. O tero ro khamli hoye, o tero ro khamli hoye. Dam kutku, dam kutku, dam kutku, dam dam dam kutku, dam kutku, dam kutku, kutku. Le dimanche soir, Rail Suprême, et on le disait aussi en début d'émission, vous pouvez envoyer des messages, des dédicaces, Kaïs. Oui. Bah oui, oui, oui. Avec le hashtag Rail Suprême sur Skyrock. C'est ça, avec le hashtag Rail Suprême. Alors, il y a Kinosis qui découvre Rail Suprême ce soir. Ah, y a bienvenue. Il y a Claire qui rentre de week-end, donc bisous Claire. Il y a Nice qui s'enjaille avec sa meuf. Bon, bah. Eh ben, bon enjaillement. Voilà, on l'aide à s'enjailler. Et il y a Bilal en mode taf qui dit « Rail Suprême, ça me donne la force de taffer ce soir ». Et il y en a plein d'autres, voilà, on a sélectionné ceux-là. Là, je pense que tous les auditeurs, ils ont envie d'écouter de la musique. Donc n'hésitez pas encore à envoyer les hashtags Rail Suprême. Et moi, je

sur la piste, et c'est comme ça. Tout le monde du bon, les mains en l'air, et c'est comme ça. Y'a du monde dans la salle, tout le monde est sur la piste, et c'est comme ça. Tout le monde du bon, les mains en l'air, et c'est comme ça. Y'a du monde dans la salle, tout le monde est sur la piste, et c'est comme ça. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême, en direct sur Skyrock. Laissez-moi dans mon monde. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire. m'appelles, tu m'as rendu fou. Je crois que toi de partout, on peut pas te montrer. C'est Rail Suprême. En fait, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. Je crois que toi de partout, on peut pas te montrer. C'est l'ambiance, tout le monde danse sur mon son. C'est le bal des voyous, c'est la fête des gros poissons.